Senegal es un lugar tan bello de mango. Senegal es un lugar tan bello de mango. Tan bello de mango. Jërëngeen jëf la famille, nam naa leen trop, donte sax yaram bi xaw na sutante tuuti ndax coono bu bari la. Coono la defe naa coono la yaram bi xaw na sutante tuuti, wante nag sant yàlla cofeel lay am lool lool lool ñëw fii waxtaan ak yéen li ñuy wax rek jël façon médicament bu ne pour mën a taxaw pour waxtaan ak yow, parce que réew mi moo ko laaj. Dañu tollu ci waxtaan tay le 23 juin. Le 23 juin 2011, ci waxtu wi maa ngi fàttaliku, il fait 20h. Voilà. Juste avant 20h, maa ngi jëlé woon président Macky Sall, maa ngi jëlé woon place Soweto, ànd ak moom, ñu dem 2S. Mu toog sama wet, ñu def plateau bu neex. Mu jóge fa dem TFM. C'était le 23 juin 2011. Loolu nekkoon na loo xam ne ci mandarga réew mi la bokk léegi. Dañ koy waxtaane. Tey dañ ci waxtaan. Xam nga nag dafay jaadu ñuy natt. Natt xam nga mooy lan? Mooy fexe ba ñu xool jéego yi ndax dañoo dellu ginnaaw wala dañu am tànku kanam rek lañu am. Lu bari xew na ci nag, lu baree bari. Tey nag am nañu sañ-sañ ñu natt. Président Macky Sall ma daan wax ak lam daan wax yépp ba mu ayee, ñu jébbal ko lenge yi, jébbalaat ko lenge yi. Mu nekk ci deuxième mandat. Est-ce que dañoo nekk ci recul démocratique wala dañoo avancé? Ndax wala fi dañuy faral di léegu ne ku mujjee pousse bi mu réer gàcce gi yow la, ku yokkul yaa wàññi. Kon loolu dina bokk ci loo xam ne fas yéene nañ ko waxtaane. Ñaanal leen ma rek maam kàttan gi ba mën a demal. Tey dama bëgg a dem ak yéen fu baree bari. Ba pare nag bëgg naa leen may tamit téléphone bi ngeen dugg ci. Waaye dafa am lu xewoon. Ñoom ci taxawaay bu mucc ayib muy dimanche la woon, n' est ce pas, woo commissaire Sadio ma fas yéene xool ndax dinaa mën a jokkoog moom, parce que li ngeen bëgg rek lay def. Jokkoog moom, moom ci boppam. Allo, moo commissaire? Mbaa yaa ngi ci jàmm? Voilà, yaa ngi ak la famille, mooy suñu gars yi nekk ci live bi. Waaw. Tey jii ñu ngi lay déglu ñoom ñëpp. Waaw. Léegi nag dama lay laaj. Waaw. Ban lay jël si ñoom, lan lañ la wax sa interrogatoire? Waaw. Ak tamit fan la mujjee deuxième convocation bi? Ay. Waaw, maa ngi lay déglu. Bisimilah, maa ngi lay nuyu di nuyu effectivement membre famille bi yëpp. Di wax ni rek ba su dimanche 6h, ba 6h yes, peut être 5 minutes je crois. Alors ci la gars ñu présenté wu, mu am benn lieutenant boo xam ne moo leen jiite, nga may ma bañ wax turam daal. Waaw, waaw, amul problème. Ak suñu discrétion. Absolument. Alors ñu ne ma léegi commissaire dañ laa soxla. Ma ne ah bisimilah, ma entré leen sama salle. Bi ñu toogee ñu ne ma ah chef dig bi daal moo ñu yónne pour ne daal ñu jox la convocation. Ma ne aywa. Alors fi ñuy bind convocation ñu ne ma ah chef bi nee na aussi ah nañu ànd ak yow. Ma ne ko bu dee loolu kay kon convocation yi amatul njëriñ. rek defaru après ma andé ñom quand même biñu éké palais de justice ni brigade des affaires générales ñu toklo mo fofu après na ma xaaral chefu jikko ñu ñow bu ngeen waxtaan dal vraiment aussi li may aussi wax famille bi mu waye aussi vraiment aussi jox nañu sama waccu way dal absolument lepp li égard li considération té ma nekkon sen chef vraiment jox nañu ko ba mu ma sekk alors le chef de brigade aussi ni top ni dugu ci bureau bi ak chef de brigade bi ci bopom ak benen inspecteur bon chef bi le mandal di tax ñu ora moy article bi nga bindon manelen a lolu bettuma parce que quand même ça fait 30 plus de 35 ans mané comme chef de police parce que man bi may don comme chef de police 24 ans rek la amone ma ngi jël retraite 60 ans xamna yagna manelen ko man bi may jox ci sama keur sax xamona li li la parce que yene nga ñeu ba su dimanche bu ba su liguey amulen mandat ensuite da nga ñu après 18h donc li rek la mëna doon bon ñu la ñoo lay di ñu problème ak ben inspecteur madame ci bureau inspecteur ñu top mu may poser ay question nak ci mbir bi xam nga mënu ma dugg ci détail absolument waye nak amna lo xamne xeyna mu la ko défaloré tout ci rek parce que laaj ma est-ce que da nga bokk ci mouvement wala est-ce que da nga en parti politique manelen bokkuma ci mouvement bokkuma ci parti politique té sa dina ko wa sa li yo no ñi ci sa ci mo bokku ci mouvement wala ci parti politique après ci li tax ma wax lolu parce que dafa am solo information bu teer na xamna lolu mo tax ñu poser ma question bobu parce que après dama dégg ni dana wax autorité yi que 23 juin bi di ñew man dama jité ben mouvement bo xamné on va prendre actif dans les manifestations amna xéne lolu motax ñu posé won question bobu donc fa da togal ba 23h30 ñom suñu bop ñom ñu bu yobbu wat kër ga parce que ñom ñoo mo andi kon ñom ñoo mo délo après ñu jox ma convocation pour Alexis à 16h30 waye bala koy gënë fofu ci notifié nañ ma li nga xamné mom lañu tek touma ci sama kaw ñu né dal man dama saga président de la république offense au chef de l'état ñu né dama signer ay xibaar yo xamné dara du ci dëgg moy difi yoon du façon gal après ñu né légui man dama salfagne dama wut ay pexé ak ay jëf yo xamné pour salfagne couleur rouge mi la manam acte et manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la république d'ailleurs sa bi moko joxé sama gaay ñu ma ko ñen man ko wal yeen yeen kay da ngeen mo ubir buntu ro bas parce que bi sénégal nek sénégal ba légui amul kenn ko xamné defal nañu touma yi ci demo directement kasso remus après bon man ma ñu bi ma ñu ko def ci Alexis may préparer di ñew bi may préparer aussi man dama né won dañ may présenter procureur de la république ci xamna ak touma yi ma tek remus la mu na dem ci la né sama soxno préparer bi ñu préparer wu ñu dox ma bénn sac de voyage mu dugul ci sama yéré dugul ci sama courage sama ci temps avion yépp parce que pour man dama calculer bi rek bu ma joggé procureur la remus la jëm ko préparer wona lolu bu la après bo 3 heures nak ngay wajja wacc le chef dit bi téléphone ba dama commissaire dal légui convocation bi annulé len ko fa day ni mako waxe moy c'est n'est plus d'actualité mané ko abo mune waw waye nak xam nga tuba dafa sew rek xam nga bo né nit ci c'est n'est plus d'actualité bon xam nga c'est pour le moment ci bo ça pas d'actualité ah c'est n'est pas ya ñu ñass ka même c'est vrai mo tam malay laaj man dama dégg ñu wax né oui, la procédure est annulée. Ce n'est plus d'actualité, c'est deux choses différentes. De toute façon, je profite de cette occasion pour remercier vraiment les Sénégalais qui ont été appelés. Waaw xam nga suma am ni xéer li ñi ñepp ñu may affaire ñu may soutenir aussi ma joxe dal surtout ñi nek ci réseaux sociaux yi absolument ma ngi jappelé ba gi sant wa diaspora du bu baaxa baax ak surtout de manière particulière les membres de la famille bi nga xamné ci la bokk merci beaucoup ma ngi di sant bu baaxa baax di leen gëreum di leen ñettal te ci tole fi man lepp lo xamné wax na ko dal c'est par conviction et sur la base de principe absolument donc kenn mënu ma nga kenn mënu ma impressionné tellement de matières. Merci parce que beaucoup. quand même, ça fait presque 36 ans que je suis comme Bien sûr. Je suis comme ça. Je suis comme ça, etc. Donc, je suis comme ça. Je suis comme ça. Jerejef mon commissaire, merci beaucoup ci li nga xamné jox nañu ko comme opportunité mon commissaire wax ñu li nga xamné néna ci famille bi la bok deugal jubal mo ma tax may wax né comme famille bi la bok da fam benen mbir tamit modi il faut ñu wax ci Abdou Karim Gueye ñi ngi wax rek ken faale wu Abdou Karim Gueye bu nekké né seul xol mayulé ngeen bayiko mu ñibi ci kër comme ni ngeen ko défalé bougazel té mënon ko yobbu pavillon spécial wallay war nañ ko mëna bayyi yobou ko pavillon spécial mo purge pénal lol la fokk parce que dama japp né ñepp manko nañ ci sénégal xamna dafa fébar té du ay ngistal du tapalé nek na fi hôpital principal jogé fi dem allemagne xuma sax ndax lolou dind na ko am dét ah parce que dafa am lo xamné Mir Abdou Karim Gueye Dakar madame ñu nek Ibrahima Tambe Diou mi ngi nek ci Allemagne ñu yor ben association tank libéro Ibrahima Tambe Diou bokk na ci ñi nga xamné ñoo dalalon Karim fofu ngir fajj ko Ibrahima tay ji Karim mi ngi ci biir kasso bi yow yaangi alerté lan nga ñu mëna wax ci yor bu yaramu Karim wa pap assalamu alaykum ma ngi nuyu ñi lepp ñepp sa auditeur ci ñu wa Sénégal yépp kaw Karim wax dëgg Yalla man bima déggé ni tek ñu ko affaire bi vraiment jappalon na ma té metti won na ma trop parce que Karim bi muy ñëw fi Allemagne man personnellement man mako fi andi document yépp sama tour la ko top tobé di jinti lepp ba nga xamantene yex na fi bi muy ñëw biñ ko jëlé aéroport Karim tepp bu normal sax mënu ko won ci brancard lañ ko tek saxé bu yobbu ko andi ko hôpital fajj Sénégal malgré ko opéré won nañ ko mais liko tal sax xam ni ko won parce que liko diagnostic ak lepp fi lañ ko défé man nak wax dëgg Yalla ci sama xam xam bu gatt bima déggé ni tekk ni ko affaire bi jaaxal na ma parce que nak ma médecine la jang donc xamna bu baax Karim aussi liko dal yorul fièvre bo xamantene war nañ ko jël diko té kasso donc li nga xamantene rek lay ñaan moy ñi nga xamantene japp nañ ko té état bi nga xamantene ñoo ci ciitu nañ def seen kemp lay carte ñi dim ko téla libérer parce que li nga xamantene mom la amé fièvre bi nga xamantene mo do souffrir secret médical permettre mo koy dugg ci ay détails ci fièvre jamm mais xamna né antoul di tej ni kasso surtout na tej bo xamantene wax deug yalla bu amul ben extrême gravité bo xamantene wala urgence bo xamantene jar nañu jël nit ci ko tej kasso donc ma ngi lancer ben alerte rek ci lancer di wolé président Macky Sall bi nga xamantene mo djiggi ak ministre de la justice ñu jema set nuñ ko djéggelé jema set nuñ ko bayé mu delu kërëm parce que état de santé permettre ko muy tej ci ay kasso su fekké tamit mënul ñak sax nuñ ko jël jobu ko pavillon spécial ba pénam jeex ñu bayiko mais je dis encore une fois et je répète état de santé bu Karim permettre ñu koy jël diko tej kasso actuellement fi tollu ni voilà dengen ki mo yoron Karim Allemagne xam nga la famille la bëgg ñun na nek magum waxon nako du magum xamon nako tay li ñu wara waxtane dak bari ha bëgg na ngeen dugg timit wax ci mbir yi lolu commissaire Sadio wax na ci benen mbir gaday gis ngeen jëf ju ñaaw gi nga xamne police def na ko fa gis ngeen ko wa gaday ne dañu def grève de la faim dossier gaday ni wax na len man lumay wax ñun la famille ay keuyit lañuy gënne duñ par parlo dossier gaday ni bon ci dossier gaday ni latama ci ñew police lamu def gaday dafa ñaaw ci vilain dañ ko xëte dé dëgg neexul lañ def gaday téguñu ko fenn rawati na jigeen ñi nga xamné dañ leen brutaliser rawati na soxna soosu nga xamne gis nañ policier jital ko diko duggal ci carou police bi résisté wul la wax ñepp gis image parce que mi ngi wone ginaaw di dox dugg di dox di dugg nga bamax ko doyul nga door ko coup de crosse ci ginaaw soxna so xamne man na la jur wala jur na ko la meuna jur man na la jur wala jur na ko la meuna jur la wax deug neexul lañ ko ñëmé jigen bu yorul xeer songu la résisté wul songu la résisté wul té dégguñu ci ba tay ji li nga xamné mo ci am yépp police sax genn ñaawlu mbir mom té ñi ngi gis né aduna baangi tak jamono yi ndax ñaawté fi nga xamné policier ñing koy def ci dëkk yu né France États-Unis fu né ñu ko fay def ñun Sénégal dafa mel buñ ko défé ngoro la bavir policier ngoro la mais xam nga lu ko indi ñun ñoo matul citoyen ñun ñoo matul citoyen xam nga tax man ñun ñoo matul citoyen France ñu koy fajé sen mbokk États-Unis ñu koy fajé tan fu ñu ko wara fajé ñi def grève de la faim ngay indi fa sen car yoy nga xamné répression la xam nañ ko jëndé Turquie ci Erdogan la ko Macky Sall jëndé indi ko fi ñu ko te deug teguñu ko fenn ñak ko tek fenn nak la leni prouver mbiru gaday amna luñ ci jotta xam ñen deglu wa gaday leralal ñu ba paré nak mu gennal leen kiyiti ngeen gis ñu xol ndax on est dans un état de droit wala on est dans une république bananière bo xamné justice de décider ken du ko exécuter mo am des intouchables am des encagoule teggnu ko fenn ñu deglu wa garda Dakar matin au matin du 18 décembre 2013 ki ñi wax Babacar Fall nek directeur technologie 2000 and ak état du Sénégal nommément la Descos parce que Descos état la ñu and ñew tej suñu kër tej ko ci tejun bo xamanteni kenn yégaluñu kenn soméwuñu amuñu ben luñu mëna yégal du wara tax ñu mënon xam tej bokk luddul mu pet ñu rek ñu xey ben fajar tel tejé de kër yi mu jeex tak ci biir tej bobu sax lima ci gënonu jaaxal moy dafa tej ba ben instant xamna lim doon def mu yéx ci mom mu dem luyé wat yeneen machine ñew doli ci ñu songono tej bi kër ak bobu ñukoy tej amul ben autorité bu nekk ci biir Sénégal bu fi taxaw bi lolu amé and ak wa Descos ñu dem laaj leen wa Descos lan mo xew waxuñ ñu dara joxuñ ñu kayit ñu laaj gendarme bi nga xamanteni mo indi woon gendarme nekk sen chef ñu laaj ko mu ne amul benn kayit bu ñu jox ay ordre la jot kon ci ay ordre lañu tejé suñu kër ñu xamni kon fi ya problème comme ci dëkk bi lañu dëkk xamnañ dëkk bi ci lañu dem ci autorité yi mais localement fo dem muy préfet di sous-préfet di procureur ko dem di commissaire ko laaj mu ne la yegul tin defena nak Senegal pays du droit la buñu waré tej ay kër ben kër sax buñu waré tej amna fu ñu ko wara tejé waxuma la nak lu tollu ci 253 maison donc ci lolu ci lañu dem dugg yéek wacc dem nañ ba tok jotaay bo xamni biir palais la Mamoun Salé mi ngi fa woon Jérémy Ndion mi ngi fa woon directeur desk mi ngi fa woon biñu waxtané ne len lan ngeen am pour mëna tej ay kër jambour Mamoun Salé mo leen wax lolu ñu naan ay dañ doon agressé ay filaw ak ay yu kenn xamul 253 maison nga tek ko ñu lay laaj lu tax nga tek ko nga nan ay agressé ay filaw ci lañ ñu wax nak nañu dañ nañ ci yoon dëkk bi amna yoon ñu dem ci yoon daj fa lo xamni yéfer dañu ko safara daj fa lo xamanteni suñu ko waxé nit ñi duñu gëm parce que dañ na lolu mënul nekk ci lan ngeen fa daj liñ fa daj moy xolal procès bo xamanteni renvoyer nañ ko 14 fois ci renvoi yo xamni waji da koy neex mu ñew bañ ko neex du ñew ci renvoi yo xamanteni weñ bu tagge ci taw waji sax ñu renvoyer ko 14 fois ñukoy mu 2013 ba 2017 lañu première instance jox verdict jugement baangi ni dégg nañ ko nak mu taxaw wax na ken musu ko condamné jugement bité mu na la jox numéro bi 1061 2017, benen bi moy 0865 2015, parquet la tribunal du Sénégal mën nga ko yob. Biñu amé jugement bobu ci mom ñu jugement bi daf ko tek ñaari atu kasso 2 ans ferme plus amende bu djegi dayo plus contrainte par corps au maximum bolé ci nak mandat d'arrêt parce que jour bobu taxaw fo bu fa taxawon mandat de dépôt lañ ko wara défal mu dem directement mais nit fo motax ñu défal ko mandat d'arrêt ñu top ci mandat d'arrêt bobu lu meut jurom ñetti wèr xolal ko juge acté ba joxé verdict ba génné ko ñu top jurom ñetti wèr pour exécution mu ñu fexé ba exécuter entre temps mu def appel té ñepp xam nañu yoon buñ la condamné une condamnation ferme bala ngay mëna def appel fokk nga dem teud kasso waji ñu bëggul ko acté té du teud kasso ñu dajat ci lo xamni yéfé dajat ko safara ñu nekkat ci lolu nekkat ci lolu ñu renvoyé ko 8 fois parce que dañu bëggoon acté ko en appel té teudul kasso benn jour lañu xey waji matin té mu wacc taxé jënd journal mom may fal jënd journalam jënd kafem ñew tribunal jaar ci souf am fu mu taxaw ñun ñu gis lepp dem tok ñu ñew salle 3 ñepp taxaw ñu indi ko am ko and ak mom ne kasso la jugé ñun ñu dem gis suñu avocat wax leen ko neneen waaji ñoo and ak mom ak ay preuve parce que wax da fay and ak preuve indi ay preuve yu leer won ko avocat yi ñu xamni li scandale la té li ci gëna yéme pap alé avocat général bi dafa génné keuy né mandat d'extraction bi tax ñu mëna xamni waaji rebeus la jugé ñew mom moko signé pap alé mo signé ko xamni ci taxi la wacc mëna rebeus la jugé lu tolni avocat général mais mu nekk lu doy waat lo xamanteni mo gëna met sax ta giñu tax ci ñu kër yi ñu nekk ci loolu biñu nekk ci loolu juge bi nekk comme non la démé il faut ñu japp ko sen kanam yobbu ko kasso mu soogu mëna taxaw juge ko appel non lañ obligé xamni nak fi tolni mom seuss na mëna tuñ ci dara non lañ ko jappé té gis nga pap alé pour wax la ni gëmuñu won sax ni waji dina dugg kasso il a fallu ñu xaar fa ba 17h ñu xaar bu mu dugg ci car pénitentiaire bi ñu escorter ak ay scooter ba mu dugg rebeus pour ñu sogo gëm ni waji dina dugg kasso tok fa ba timis ba xam chambre bi mu nekk et tout ci lañ sogo mëna gëm ni waji dugg na kasso une semaine la fa def ñu def jugement bi ci même audience bi ñu lever mandat dépôt ci même audience bi ñu lever waxuma demande liberté provisoire de mandat dépôt bi ci bopam lañu lever pap alé téguñu ko fenn amul benn motif déjà biñ koy def xolal juste dafa suspendre audience bi ñepp genn salle bi xolal biñ mi lever mandat dépôt bi bala gaay yi di dugga ci salle bi ci le profiter rapidement rek lever mandat dépôt ñun biñu dugga ci salle bi fekk juge bi joxe na lolu ba paré xolal patam patay meñu melni ñun duñu ay sénégalais man dama japp ni sax un étranger bu nekkon fi ñukoy atté waru ñuko atté non waxuma la nit yi nga xam ay sénégalais donc ñu jugé ci lolu biñu jugé ci lolu ñu atté ko en appel juge bi condamné ko 6 mois ferme ba les 2 ans la won mu wañi ko def ko 6 mois ferme 18 mois sursis garder même et contrainte par corps au maximum mandat d'arrêt bi ak lepp mi ngi resté intact mais xam nga fofu kon yoon may nako mu def pourvoi biñu défé pourvoi ñu démat appel bi ma la don wax biñu ko gagné mi ngi ni moy arrêt numéro 91 du 11 3e mois 2019 arrêt ba ngi ni bimu jugé ci lolu mu dem pourvoi biñu démé pourvoi ni wo ni pourvoi ñew pourvoi def audience biñu défé audience première fois sax dañ ko renvoyer ba ñu xawona am luñu jaaxal mais après ci lañ ko indi wat ñepp top ñu def acte bi rejeter pourvoi parce que yoon bi mu warona jaar ak limu warona respecter pour ñu mëna def pourvoi bobu defuko ñu rejeter pourvoi donc juge bi dafa rejeter pourvoi bi ba paré confirmer jugement bi nga xamni mo am appel paré pourvoi mi ngi ni numéro 43 du 19 décembre 2019 donc kon ñetti instance juridique yi nekk ci dëkk bi yépp dal nañu Mbaye Fall ay wéru kasso dan nañ ko mo wara joxe ay amende ak contrainte par corps pap alé bu fiñ tolni 19 décembre 2019 bu fini waji mi ngi ci dëkk bi di dem fuko neex té ñi ko wara japp fekk mi ngi dem ci ñom parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk mi ngi dem tribunal mi ngi dem cour suprême mi ngi dem fuko neex té ñoñu ñoko wara japp dëkk ci kasso bi loolu moy li nga xamanteni mo am ba fiñ tolni ma légui kèn dédommager wu len nekkuñu len ci processus dara pap alé dara kèn joxuñu 1 franc japp ñu ko dëkk ci kasso bi def ñu ko dara la preuve la preuve mi ngi ci dekk bi do xolal ko xamni dañ la wara tecc ci kasso bi ko xamni prisonnier nga deug ni ci ay télé di wax ala lolu sénégal rek la am nga genn ci ay radio di wax di menacer nit ñi melni mom mom extraterrestre la wala wala mais nak doyna wax parce que tay amna wax yu bari yo xamanteni nit bu la koy wax yow da nga nan li ay wax kessa la rek mais au fur et à mesure ngay dem di gis lolu ngay gëna désolé di gëna sa yaaka di gëna tass ci sa rew ak sa rew muy doxé parce que mom dafa yaaka wax ni manam du suñu morom mi ngi melni ñun miet lañ ci ñom ci mom ndax li mu doon ki mu doon ak liko bot té lolou ñing koy gëm jour le jour ñing koy gëm chaque jour ngay gis lo xamanteni dalay leer ni très sincèrement pap allez parabrisu jambour boko toje té balu la kasso nga jëm nga tok 253 maisons pap allez lolou ci fekk juroom ñaari fanu kasso té juroom ñaari fan yoy dañ ko lijeenti pour mu mëna am suñ ko lijeenti won doon mëna am lolou la wagaday du yéne ngi dégg wagaday lolou lañu gindi xam ma def na ma man nga jël document ma dem trouver la xoo entre le ministère public Burumay 252 autres partis civils tous demeurant parce que les Gada extension à Dakar faisant élection à domicile maître Abdou Diali Kane Hassan Diomba Niaye maître Ibrahima Meng kid gagné lolen lire fi chambre correctionnelle layon nañ ba mu jeex par ces motifs estatuant publiquement contradictoire en matière correctionnelle en dernier ressort en la forme reçoit l'appel au fond confirme la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité réformant sur la peine condamnant Babacar Fall à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois ferme confirme pour le surplus condamne Babacar Fall au départ. Kon da ko ne do ko nane len Babacar Fall fi chambre correctionnelle une deuxième chambre correctionnelle audience 14 septembre 2017 mo nek ni luñ ci wax ma liral ko condamne Babacar Fall au paiement des dites sommes à titre de dommages et intérêts déboute les autres parties de leur demande de paiement commettant mal fondé ordre de l'exécution provisoire condamne Babacar Fall au dépens fixe la durée de la contrainte par corps au maximum nit ñep ñum yoral seen turam ni 253 maisons yi nga xamne mom ngay dégg seen turam ni xamal dama may def ni dama bëgg rek pour won lañ fan lañ toll ci ñakam état de droit d'accord ngeen na cour suprême fa la mbiri jeexé cour suprême le 7 juin 2019 attendu conclusion Cour suprême rejette le pourvoi formé par Babacar Fall contre l'arrêt 91 du 11 mars 2019 de la Cour d'appel de Dakar. Le condamné au dépens dit que le président arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les risques de la Cour d'appel de Dakar à marge ou à la suite de la décision attaquée. Ordonne l'exécution du président arrêt à la diligence du procureur général près la Cour suprême. Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle à son audience publique ordinaire tenue les jours, mois et ainsi de suite. Nous signons. Il y a tiré à l'année. Nous avons dit. Wow. Est-ce que l'IE, mon goût, c'est le riz, goût, ne l'a pas dit. Nous sommes nés ci réew ñu né état de droit justice de chambre correctionnelle 1 condamné mu recourir chambre correctionnelle 2 deugal condamnation cour suprême deugal condamnation ñu ñu tok di xolé ba dem na ñom nak amatuñ yaakar sen justice amuñu yaakar sen justice parce que nak L'importance d'une décision de justice, c'est d'être exécuté. Dengue douane. Mais la tenue de l'un de l'un de l'un ñu la dékété musul dugg kasso mok ñom ñëwaat do mu jël café jël journal ñi dé dégg da moko netal ñu wuti kay yépp ñu gis né condamné nañ té yi nak tan ak kental la ci yoon yu dul jeex am nañu ma ci méré sax parce que dañuy fogg la né da nga du sawrul seen bir du lolu dé du lepp lañ mëna yanulo lolu nak momay dil choona bi may dul ni choona gi toy la donc parce que chaque jour yaangi nek ci mbir yi ku nek nak dalay indil bosom fokk na bosom moy priorité parce que lolu yeb lu koy ni lan la on a un système de gouvernance bo xamné kenn mu ko comprendre légui fo ñu poser une question qui est simple Tabakar Fall mi moy kat bu mënu ñu exécuter li nga xamné mom moy décision de justice bi lutax lutax il faut que ñu wax sénégalais mu dugg sen bop c'est un intouchable wa borom kër yi nga xamné takalé nañ seen dërëm seen ñaar dërëm seen ñetti dërëm ba tabax kër ñi def R plus 2 ñu ñew tek lañ ko tek fan lañ ko tek lool rek la bëggoon ñu wax ko parce que li am solo bam solo dañu war ko waxtane réew buñ né état de droit xana justice mo ci wara upp solo té justice bobu bu jëlé ay dogal war nañ ko appliquer condamné lañ ko ci ñett instance yi nga yaakar yi ñep muy nar ñoñu dem fa né dañu def grève de la faim police yëkëti leen fa soxna so xamné deful ben résistance kay yé muy yék nga bamax ko door ko cross duma yegg sax fene bu nekkon yow sa sœur do nangu ko ko def bu nekkon nday ji la jur do nangu ko ko def kon bu jaadul dañuy wax na jaadul ce n'est pas normal dabalé policier bobu def ko soxna soso policier bobu def ko soxna soso buñ ko defone mom rakam bu jigen wala magam bu jigen mu khataray buñ ko defone yayam jiko jur mu khataray kon xam nga ne jaadul de surcroît tu vois dans l'image que dan do ndank calmement pour dugg ki bi nga bamax ko ak nga gis maire bobu fan lañ ko tek fan lañ ko tek sol teul mayula nga def lula neex dama na sol teul mayula nga def lula ne au contraire bo solé teuli nga wara am comportement exemplaire irréprochable solna teuli rek tarak c'est très vite bo registré won nak ñu na outral agent en fonction gëna yok sa dossier li fi xew ci réew dafa bëri am na ño xamné faat nañ len fi sen bakkar ba tay ji ken xamul fan la mujjé té da nañ jaadu ci yoyu nak image yoy nga xamné Sénégal gi yépp ko gis dem na sank bané est ce que image bi jarul yobbu sax fi nga xamné modi l'observateur France 24 ñu gis image bi fu fa jafé ñaaw ku ko ci mën ci gaay ngeen def ko parce que man jot bi may mo benen bir bo bëggona ñëw xam nga nak mbir buñ koy commencé di chambar day jaadu fu mu toll ñu wax le mbiru batti plus dama gis vraiment man nak des fois journalistes yi luñ leen wax amna ñoo ko def mbiru batti plus da ngay xol du ci bi yeb rachel sa fami ok j'ai dit ici fi mu leer nañ na la ñu la xam nangul nañ batti plus mu porte plainte rachel bo de liguey bir batti plus mo yoron caisse batti plus kon buñu jappé né rachel momo amna lu mu jël sen caisse jaaduna wa batti plus porte plainte da ngay gis né mais nak da ngay xam né c'est une communication orchestrée planifiée exécutée rachel bo wa batti plus jappé né dañ ko wara porte plainte jaaduna c'est un employé contre son employeur buñu enquêté ñoon ba gis né seen gis ñoon ñu né xaaliss bi rachel doon jël ci caisse batti plus njabotom la ko doon jox papam yaayam ak far toujours lolu c'est leur cuisine interne do la japp batti plus est dans son bon droit mais ñun dama leen laaj rek ci dossier bi xam nga lool c'est strictement privé rachel batti plus c'est strictement privé mais li ma leen laaj c'est l'autre pan du dossier l'autre journaliste bëgg na ci tek kenn ci nopi yenn site internet yi duñ ci wax presse bi presse écrite duñ ci wax l'autre pan du dossier parce qu'il y a un autre pan du dossier le dossier ce n'est pas Rachel mais il y a un autre pan du dossier parce que bo amoutone benen pan du dossier Christian Samra buñ ko inculper parce que Christian Samra en tant que DG batti plus moy qui démissionne mo porte plainte Rachel pour abus de confiance n'est-ce pas faut qu'on soit cohérent faut qu'on soit cohérent batti plus Christian Samra DG mo porte plainte Rachel djel Rachel papa Rachel yaay Rachel faru Rachel parce que nenañ Rachel dafa ne xaliss bu ngeen djel ñom la koy jox ok legui comme ñom la koy jox ñu ñom ñep inculpé nañ len mais inculpé nañ timit Christian Samra DG batti plus pourquoi ce pan aspect bobu du dossier tam war ñu soxal lool parce que aspect Rachel ak batti plus duñu soxal xamul tax duñu soxal parce que Rachel buy fay xaliss batti plus lay dello xaliss bu sacc ñom mu nekké na amna sa avéré di deug Rachel buy dello kan lay dello dugul ci caisse état sénégal ñun sénégalais suñu ñoon ñew ci mais l'autre pan du dossier bi nga xamné dafa am ay mallette yu genn ñu d'accord na ay mallette genn na ay coursier ñoko doon yobbu ñu d'accord ci gendarmerie def ci enquête bu mucc ayib parce que xamul dama wax lool c'est important bëggatuma ñu leen di nax bëggatuma ñu leen di nax di leen jox benn parti rek ñoom bu leen joxe benn parti ma ñëwaat ci benen parti bi man jox leen parce que mbir mi ci abus de confiance la doore waaye fan la jeexee lañuy xool abus de confiance mu dem ba léegi ci association de malfaiteur faux usage de faux écriture commerce ak xamalan abus de confiance blanchiment d'argent légui may laaj Christian Samra DG batti plus mi di won Rachel porte plainte mom mu di nañ ko porte plainte mom mu di nañ ko inculper placer ko sous contrôle judiciaire gendarmerie bañ leen indi lé kay gi woné na ay mallette daana genn mallette yoyu ñu na ci kan loxoy kan la den jaar ñu na coursier bu tuddu David Derta, Moussa Fall, Babacar Diouf, Salam Ba. Ñooñu bañ leen jëkke yobbu lan lañ defal dañoo mim ne amul. Rachel indil leen décharge bi nga xam ne moom lañu def ñoom ñëpp. Leneen lii yéen a def. Ñu reconnaître ne dëgg la kay. Daana ñëw di jël foofu ay 35 millions, 50 millions, 40 millions. Ñu leen leen fan ngeen ko doon yóbbu ñu ko doon yóbbu si Hassan Hachi ak Aïdar Soufane. Malet yooyu ñu ko doon yóbbu si Hassan Hachim ak Aïdar Soufane. Gendarmerie dem defi perquisition. Teg loxo. Teg loxo ci xaalis. Waaw aspect boobu lu tax duma gis gars yi di ko tudd. Parce que aspect boobu la ñuy wax ne. Mo am évasion fiscale ak fraude fiscale loolu isa war ñoo soxal ñun sun xaalis la de waaye foo gisee rek ci internet photo Alex ak photo Rachel lañuy fëgg Christian Samla jour bi ñu ko inculpé lañ ko gëjë tudd journaux yi tamit boo gisee le dossier se termine par l'inculpation de attention. Mais il faut aussi buñ ko yamalé fofu timit il faut ñu expliquer ñu ñun timit né malade di den genn doon dem ci Hassan Hachim ak Aïdar Soufane té suñu gendarme yi dem def perquisition ci ñoñu tek fa xaliss né déposer nañ ci caisse de dépôt de coordination 650 millions mu ñu won ciow yërim na du 650 millions 4 milliards gendarme yi ne loolu 650 millions lañ déposé ak luñ fa mën a déposé soo gisee ci li nga xam ne moom la avocat yi rachet bi dañ ne plusieurs milliards sont sortis la caisse léegi loolu duñ ko réglé voilà loolu ñun journaliste waruñ ci wax waruñ ci wax dañu war a wax rek ci rachet et sa famille loolu rek lañ war a wax faut qu'on soit sénégalais yi dofatul lan tax ñun journalistique lu ñu waxal ñun loolu yëpp lu ko waral lan la publicité Dakar matin joxuñu ñu benn publicité sant yàlla sant yàlla lan lañu wàññi lan lañu wàññi xam nga Sénégal moo ñu ñor bii xam nga yaa ngi wax ne dañ la bloqué sànq yaa ngi ma wax ne pour ma wax ci 75 hectares denglay avec le PDG de Sidima yaa ngi polluer wax nga ko benn yoon ñaari yoon ñett yoon tàmm ma sax di tontu man ay wax bind nga ko bindaat ko bindaat ko bind nga ko plus de 15 fois moo tax dañuy bañ polluer nag suñu kii bi parce que loolu doo tëb rek ne da ngay wax ci mbir te xamoo lan moo ci am du dëgg su may wax damay génn ay géej teg mu leer. Waaye rek nelaw yow ñoo bind na foo ko ci pan de ça du ma doxale noonu man voilà kon loolu laa bëggoon wax waaye nag le 23 juin tey la de gaay ma dem tuuti ci Macky Sall cey àddina Dakar matin li xew muy 19 mars bi ñu def anniversaire té li ci gëna doy war moy ñi gëna ciow ci anniversaire bi ci côté nguur gi ñom ñëpp dañu contrôle alternance da fay nekk di mbël mbël yépp amu ci kenn ko xamna bokkon na ci ñi xéer ba alternance am né lu bare bare bare ci alternance bi ah dañ ko moyal notamment li ñi wax bonne gouvernance manam loubal bi ak yax alal réew mi ci lo xamna du farata dem je pas comprimé de l'intérieur taxaw naan dañu gëna soldat ci gëna arme bi da nga ma am génne police ak gendarmerie si ay ñoo xam ne ay civil lañu ne dañu dem toog ñaxtu kooku dafa nekk lu jéggi dayo donc lu ëpp la armée balaa ñu ko génne day fekk situation am dara xewul loolu dañu dem toog place de l'Indépendance nga na nga génne armée di armée bi boo ko génne foo ko jëmale si peuple te ku ne xam ne ne soldat fédéral yorul grenade lacrymogène yorul lene Dakar matin li xew muy 19 mars bi ñu def anniversaire té li ci gëna doy war moy ñi gëna ciow ci anniversaire bi ci côté nguur gi ñom ñep dañu contrôle alternance da fay nek di mbël mbël yépp amul gën ko xamna bokkon na ci ñi xéer ba alternance né lu bare bare bare ci alternance bi ah dañ ko moyal notamment li ñuy wax bonne gouvernance manam loubal bi ak yakh alal rew mi ci lo xamne du farata dem je pas compris mi de l'intérieur taxaw nan dañu gëné soldats ci gëné armée bi da nga mom gëné police ak gendarmerie ci ay ño xamne ay civil lañu né dañu dem tok ñaxtu koku dafa nek lu jégg day donc lu ëpp la armée bala nga ko gëné day fekk situation am dara xewul lolu lañu dem tok président ma nga na nga gëné armée bi boko gëné foko jëmal ci peuple té ku na xamna né soldat fédéral yo yorul grenade lacrymogène yorul lenen kon dama né nguur gi nañu yem Dakar gis ngeen kaddu mi ngi ko don wax 19 mars bala ñuy dem élection le 24 mars bo muy fa 19 mars mu do wax lolu mom tay lu raw armée gënné nako xam nga lu raw armée gënné nako kenn du jégué Dakar kenn du manifestation sax wotul la wati nañ nangu len nak wadda ko pour fit ouf wadda ko pour fit parce que 23 juin bi ñuy wax wad mo autoriser ñaari manifestation yi mom ba mu ñëwé ci ayam ba tay ji ñëméwul dindi di arrêter Ousmane Gom manifestation bo am amna ñu civil on duma leen jappé policier parce que duñ tak len lolu nak 23 juin bobu paradigme bu am importance la dañu fogon né fofu paradigme bobu fa lañuy joggé réew mu soppé ñom république bo xamé vertu ak ay valeur wa tay dafa am lo am solo xama so leen bëggé ñu dégglu ko modi lima jaaxal sax Moustapha Cissé lo dafa melni yalla dafa gindi wat xal Dakar matin tayit nañ ñu japp ne ñun ñi nga xamne yalla sun borom bi jité na ci kanam nit ñi da nañu laja mi nga xamne lañu doon doxante ak nit ñi ubbi len seen portable yi yeen ñi nga xamne dañu leena fal ubbi len seen bureau yi deglu nit ñi ñu gën yor bok len ko ak nit ñi waye bu de li nga dajale lepp ba dajale ko jigenu jambour wala jigen jo xamni ci lay taxawal rek nga koy meuna jox ngeen and di xaxalo wala nga nan sa sangere ba mu neex la nga tok lolu nako nit ñi moyu te bako te ngeen respecte gor ñi respecte ñi nga xamni dañuy jangale ci daara yi bu jangale ka ci alquran yi ñu delo leen seen ci te nu and pour defarat senegal senegal ci li ci yaqku ci li fay di ñi lañ ci wax nañ wax nit ñi yarat leen dello yat leen ci seen borom te loolu ñu leen di wax ñoom ñu nekk ci xamne luxe li ñuy wax luxe moy lu rafet day lekk ab xol luxe day tax sëriñ bo xamne day dundé riba wala muy dund ci luxe auto yu rafet kër yu rafet climatiseur yu rafet na nga xamne sëriñ bopp ci nelaw rek lay dëcce lu mu ñaan yalla du ko nangu te yalla dana ko jappi te du la yalla dana ko sanse say geste ñaan si al maktoum wax na ko man na leen ko envoyer ci vidéo neena yonent bi alayhi salatu wassalam xamne moy khatimul nabi wa imamul mursalin di sayyidul ujood sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla dana ko waxal sam xet bi ni leen du man rek ma di ab yonent du man rek ma di ab yonent waxal ak ñi nga xamne ñi ci ñoom lañ la yoni ñu jup jubal jaar ci aw yoon ndax bokku len ko waxul yow yonnati bi alayhi salatu wassalam ëlëk yalla dana la sanction dana la sanction la wax ma ngi cassette bi ñu bari gis nañ ko ma ngi len di ñaan yeen bok ci julli yeen xippi seeni bëkk te xol ñi len di wax dëgg yeen top leen ñi len di nax ak di politique ak di wax lo xamne dara du ci deug ngeen ñu leen sanni leen ni yek bo xamne bi dafa nepp tay ci jamono ji cëpp kuy wax deug nit ñi def nañ lopp noonu cëpp ko xamne yaa ngi leer nit ñi def nañ lopp noonu kuy wax deug xey li muy wax togal ak moom ñu ko li nga wax du deug ki nga xamne day leeral li muy leeral tam lepp leer aussi boko bëggee wetti ne ko li leeru waye waxuk deug nga daw sam sa kankere yeen ñi nga xamne da ngeen di jot ci xibaar yi di ko jall li di ci jot li xibaar yu wër lu bari ba li ngeen jot li wu leen ko ci deug da ngeen koy jot li ngeen luñ leen jox ngeen di waxal nit ñoo xamne te ci wuñu dara lu yaqku ci rew mi ñoko yaq waye dañ leena jox xaaliss ngeen def seen poste bayi leen loolu nañu doxal deug nañu and waxal deug ñi baax encourager leen leen te nek ci deug ñeppon lañ leen sanction ma mustapha sissilo li may wax ñepp la interpeller ko xam jigen ju may fréquenter muy as ndaw ma jo xam ni ji sekk na ngom nang ko wax ci radio yi lay fi nang ko ci wax te ñu bari ci sunu ci lifa yi ñi ci yoyu bu deg ba ci nañ waxanti li deug lutax lolu ñukoy def legui nit dafa wara nek nit dafa wara nitii bañ du pon lo xamni li buñ la ci fekke nga daw ba bëggo sa doom yekko wala sa mag yekko wala sa rak wala sa ndey ak sa bay lolu lu bon la duma sa bax lepp lo xamni li ku la ci fekk nga kontan bu ko sa ndey yegge nga kontan bu ko sa bay yegge nga kontan bo fekke say doom yit nañ ko nga kontan buñ ko net lolu lu bax la waye rew mo xamni ñi nga xamne ñoy moy yalla di nan sangar di taxwal di sacc ñom lañu def ay star rew mo xamni ñi ñi xeyul gontu amuñu metti employé wuñu kenn ñom lañu jox njariñ rew moma du jëm fu bax yeen sumay kilifa buma ko waxe nak yu aade yi lay wax ak kilifa yi diine wax leen deug ak nit ñi doante deug jotna ndax buñ ko waxul tay danañ ko wax ëlëk ndax réew mi ñu ne bu continuer di dox ci mi muy doxe réew mi ëlëk li xew yàggatul ñun ñëpp dañ ci tek seen bët maa ngi leen di artu nag ndax li may gis gisul leen ko ndax lu ma nelaw te damay wer te dafa am lu may gis te li may gis nag mi ngi ñëw maa ngi koy wax ci li fa diine yëpp ay généraux yi di ko wax président de la république ni ko na artu ministre yi na xoolaat gouvernement bi ñi ci nekk di taxawaalu xam ne liggéeyaluñ ko te ñi ngi yàq réew mi te lu ñu am dañ koy def seen i poste di ko sàcc na leen génne gouvernement bi jot na nag ndax nit ñi dañoo sonn nit ñi bu ñu demee nag ba sonn il faut ñu wax il faut ñu wax li nit ñi yor ñoo ko bokk alali réew mi rek lañ yor. Dégg ngeen kàddu yooyu Sisilo commentaire yi bari na ci. Moi je retiens l'essentiel. Seigne Moustapha si wax tégalon na len ko fir moy tudé néna nit buy wax deug bul xol nit ki déggul deug bu muy wax ngir mu jariñ la. Dégg ngeen mam dédd la famille ma déllu ci wat ci. Néna nit buy wax deug déglul deug gi muy wax ante bul xol nit ki. Ndaxte bo xolé nit ki te déglu wo deug gi nga ya ngi fananal tont kun deug gi dula jariñ kun deug gi dula jariñ mais li am solo ci cadre Moustapha Cissélo yi xam nga lan kan mo gëna nek responsable Moustapha Cissélo ci bir AP amul ku gëna nek responsable amul xam biir xam biti ànd ak Macky Sall fu ne dafa moom lu ne dugal ko fu ne jour bi ñu taxawee fii ñoom Abdoulaye Wade dañu annoncé candidature tey ma wax leen loolu lu doy waar leader yi ne dañuy continuer seen manifestation yi place de l'indépendance Moustapha Cissélo mii ak Aline Badara Cissé ñoo ne Macky Sall ñun dañuy campagne de astuce bu ñu def pour campagne xam nga lan la Moustapha Cissélo daf ko yóbbu ci kër sëñ Sidi Makhtar Mbacké mu tàllal loxo ñaan génn rek defee discours na ko sëñ bi jox na ma ndigal ne pour ma campagne loolu la président Macky Sall def yéen a ngi fàttaliku début bi ñum dañ and ak dañ joxone dafa trahir parce que dañ joxone ñu continuer les manifestations so fatlikoo Idriss Seck fi la togon mo doon manifester ci ngoro Macky Sall mo jëk départ dem campagne après ñu Moustapha ñu stop ci parce que ñu Moustapha Cissélo bobu and nañ ak mom ba daradul dara la wax bu mu metti mok Mbaye Diagne ñu dakaleen assemblée nationale mo fekke la parce que Mbaye Diagne tek na ko émission pilu face bañ ko daxé mu wax ba na bu jëngal ki bi rongañu wat mu né je ne reconnais plus Abdoulaye Wat kon xam nga xam lu bari dama baax mais limu wax mu nekk ci biir APR wax nañu lu xew ci biir mode de gouvernance bu président Macky Sall nenañu ministre bu fi dawal auto 200 millions satch dañ ko wara japp tej ministre bu fi yoru keur 1 milliard la wara japp tej parce que dañ ko satch au comité de l'état mënu am lo malheureusement en un temps record gis nañ fi ay milliardaire ci groupe Macky Sall gaay ubi na téléphone de 88 628 1818 ñu wax suñu démocratie bi parce que tay dina len mo mos ben 30 minutes waye ci lolu nak ay wax yi Macky Sall day bax mon ko tégal ngeen natal ma rek lam dañ wax 23 juin déclenché lu bari bamu fal est-ce que mengona ak nimu yoré rew 2012 la lay wax Je voudrais, mes chers compatriotes, en ce moment précis, m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés au champ d'honneur pour défendre notre Constitution et notre démocratie. Nous sommes ensemble tout près d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique du Sénégal. Dakar Matin. Nous disons à l'APR que la patrie importe plus que le parti avec les responsables, les militants et militants de l'APR. Ce n'est pas de partager un pouvoir. Nous devons instaurer une démocratie véritable qui ne soit pas seulement un slogan. Nous devons faire en sorte. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Papa Ali. Waouh. Ngay ziar. Ngay delo ziar. Ngay ndaw ciono. Sante Yalla bu wër. Ngay woy Casamance. Casamance, waouh, ni ngi di wa Casamance. Masha Allah, ngay ndaw ciono nak. Ni ngi sante bu baax. Masha Allah, avant tout dañ lay ziar. Ni ngi lay delo ziar bu baax. Di la ñaanal ci borom. Amin. Di la ñaanal Yalla nga xamne yoon bi nga ne, yoonu jihad nga ne. Yalla ñu Yalla may katan gi. Ma sha Allah ci yoonu Yalla nga ne te bu ne ci yoonu Yalla ñeental ba da nga wé waaw ko ci rasulullah rek sa xel da na mëna dal ci yow absolument wallahi da nga ni ci jaamu Yalla bi nga nekk nak nga wété nga ñak ci le jappal suñu borom te nga xamne yaangi ci yoon jërëjëf insha Allah fu tollu ñu lay ñaanal suñu borom lool doong lañ ci am ñu ci wax jërëjëf jërëjëf li ci def dañu bayyi sénégalais yi kenn ku ci nekk def sa commentaire bop en tout cas ñu lay ñaanal yalla fu ñu tollu inshallah jërëjëf yalla yalla nangu ñaan yépp jërëjëf papa ali yalla yalla defal la jamm jërëjëf ayte merci que l'équilibre des pouvoirs soit respecté au Sénégal nous devons faire en sorte que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Dakar Matin. La République, c'est des institutions fortes. La République, c'est l'équilibre entre les pouvoirs. Qu'il s'agisse du pouvoir exécutif incarné par le président de la République et son gouvernement, ou du pouvoir législatif incarné par la représentation nationale à travers l'Assemblée nationale, ou encore le pouvoir judiciaire à travers les cours de tribunaux. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais lorsque toutes les institutions s'effondrent devant une seule qui fait et défait selon son bon vouloir, nous ne sommes plus en république, nous ne sommes plus en démocratie. Et aujourd'hui. Allô? Ah, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est grand papa. Waouh. Waouh, c'est le premier auditeur. Waouh, l'anglais de glou. Bon, ma ngi rafetlu vraiment taxawselu yi def ni. Ñu ngi ñaan rek Sénégalais yi déggé ko déggin bu gën que xam nga jamono yeen toll ni mom comme li nga wax dégg fu mëna joggé rek la yenente bi wa al-haqqu maqbulun walaw bi lisanil jahil. Dégg fu mëna joggé rek dañ koy nangu même bu joggé ci jahil ko xam dañ ko xébo nit. Dégg la. Absolument. Fu mu mëna joggé dañ koy nangu budé ci pouvoir ak opposition ku mënta do combat yi nak nit mën ci am ndam deug deug lu ko yoy may nit rek moy kenn bañé gis benn couleur buy feñ ci combat yoy parce que c'est trois ans li nga xamantene tay sénégalais an ko doon joy tay muy journée anniversaire trois ans xam nga 68 amna ndariñ mën nañ ci fatali ko yu bari mais 23 juin lan la jural sénégalais ñaka doon xexté anuñ bu ñuy gis Abdou Aziz Diop bu muy ci turbine ba bobu ci ki di wax bay lox bay bëgg daan bu ñuy gis Macky Solon jégetam bobu bu ma ak kaskam bobu mam bay ña taxawon ci giri di xatraay Abdou Mbow kay yoy xalé yoy yépp tay ñu gis tay anuñ ñu gisit ñoo xamantene demon nañu ba yaakaaroon leen ci ay société civile tay ñu bari bari tay ñu ngi ci kër gi sénégalais ñu ngi joy ci littoral beek suuf si ñu ngi joy ci walu injustice kérok maa ngi lay wax ci affaire bu Bouga Zali ma lay wax ne mom mi nga xamanteni jox nañ ko tay liberté provisoire té Abdou Karim teud tay nga xamanteni Abdou Karim lu mu doon xex amna manana ñu ubi jumaay ubi nañ jumaay way mom ñu ko tay teud dafa febar ñaar ñooñu bo leen tege ci place ana deug motax lolu de ngeen ci war xaar seen tanku tubey ba deug rek di muccu parce que dundu bi ni mosaba ci xex di wax ni dañ ko jang ci téré yi dé wama badal hayat illa al mamat dundu gi dé mo ci top té day bess té ku dé ba dugg ci biir suu li nga xamné lepp dégg la ma ngi jéggalu pour baña monopoliser jërëjëf jërëjëf ni ngi rafetlu so contribution jërëjëf c'est le plus grand danger qui guette le Sénégal qui mène jusqu'à l'existence de sa République le choix des députés quand même ne permet pas d'avoir un régime. Allô. Allô, salam. Aleykoum salam. Comme Alain Gaye, je l'ai dit. Il est de l'Oziar. Je rappelle le Seigneur Bouawa. Je rejoue. Je rejoue la tête de moi, je l'ai dit. Je rejoue la tête de moi, je l'ai dit. Je rejoue la tête de moi. Aïe, aïe. Il dit, vote. Je ne sais pas si je suis dit le téléphone. Allô. Allô, Abale. Oui. Ça va bien, moi je l'ai voté oui, fille Dakar. Dakar, waouh. Je le félicite encore une fois. Djerejeuf. Voilà, madame, je vais poser l'église une question. Vous avez solo, oui, là. Président, il a mouru de défendre le droit humain. Est-ce que vous avez dit que vous l'avez dit? Je l'ai dit, il a déçu. Il a déçu? Ouais, parce que je sais que vous avez dit. Waouh. Moi, dans l'opinion, madame, il y a une perception bien montée sur la justice. Wow. De 23 juin 2011. Wow. Perception, Bob, est-ce que cette perception a évolué positivement, Légui? Est-ce que nous, il y a une perception bien montée sur la justice, Légui, et le gagné, il y a une perception bien montée en 2011? Alors, le mingi titumit. Ah, on a quand même une justice. Quel rôle de groupe? De que Bob, personne n'est en sécurité. C'est le pilier de la société. No justice moyen rew du ñom ñi xamni ñoy doxal du population bi nga xamni ni tamit ñom lañuy diri kenn nekul en sécurité kenn voilà donc confiance ñi ñi am ko ci justice dafa baax dafa nekk ñi nga xamni dafa bankage yi nga xamni ni dafa am solo pour rew mëna taw absolument ay bu fekké né c'est une justice à double vitesse té ñi ñi perception bi am moy ku bokk ci nguur gi dafa lula neex am nga ay lijeenti ay connexion yo xamni ni da nga ci mëna gën boko ci nguur gi wala tu es un citoyen lambda comme man boko defé man nga dé ci kasso bi justice en tout cas dé dal sa gaw rigoureusement lool nak moy li gëna danger ci rew té lool sa peut mener à la révolte absolument man lay wax man vendetta lay indi wala volonté de révolte rek parce que fi nga yakaratul ñu régler sa problème mom c'est dommage c'est grave effectivement té dafa nek ay signaux yo xamné population bi daf koy capter diko accumuler lu dangereux la ci lay japp ne population dafa tek rek ñëngutu la population est en train de capter les signaux di accumuler mais un jour viendra dafa dana am ben acte bu ñuy poser bo xamné ça va faire tout ça lepp exploser lolu mom yalla ñu ci yalla mussel motax dañuy ñandal man limay ñandal moy yalla ñu yalla dimbali ñi ñoo xamné ni dañ am ak dal ak mat bo xamné ni dañ jël lepp jaaral ci yow ndax yalla dëkk la bëgg mais dina ñëw de dëgg amé rek lepp dox dina ma sa ñew bu dëgg amé rek lepp dox waye tank dëgg amul bu dañu nax suñu bop waye dara dox ndax suma borom sax dafay méré en fin de compte ouais dëgg la ma ngi jéggul na bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf allô salam aleykoum maalikum salam ah ay na def ça va ñi ngi sant yalla on la kañu soosé ça va bien kañu soosé ça va amna dama dem directement au bureau rek waay ci waaw xam nga liñ mom comme ni ngay fa du waxe rek bu juste intermédio ah ñepp intermédio journaliste bi dañ koy convoquer ñepp dañ koy convoquer lepp intermédio ba ci littoral li ngay gis parti plus journaliste yi kon kenn du ci recc lool motax ñeneen justice mom moy ndey lepp man mandat république démocratique ma gisee moy que len simon intermédio intermédio nak ñeneen bankage yépp ben dox voilà la monde may wax pour gaay yeen gaay du ko jël merci beaucoup sa cadeau rafet na gatt na te li nga wax tamit vérité la kenn mënu ko dindi jërëjëf. Voilà. Allô. Allô, salaam aleykoum. Wa aleykoum salaam. Wa lima ci wax dal moy dañu sétan keur diiné dañu sétan Sénégal dañu sétan Sénégal ci tal muy def luko neex wa mom la cissé lo wax da mom ñepp la bu ci bolé né ñepp war dañu war jékkat seen cadeau moy wax sama jawar né waaw dama né cissé lo wi dama nuru kumay tap yalla yalla def na mu gundu fan aha waay lima japp man dafa melni kuy tagatu Yalla bu ngeen doon way wa yalla bu ngeen doon wa man lolay wax dal mais cadeau bi deggu na te yit nekku lo xamanteni lo nit meuna jëriñu wala aha waye nak maxal war na faat bokkum wa lolou bu leer ki doon and ak mom euleuk taw dem wax li ah matala amna jajj li jajj la lol lay wax legui la fami manalen deglu len li ci selo di wax bu len xol nit ki ndax seigne mustapha si neena nit bu lay wax deglu deug ga bu ko xol lolo am solo parce que bokoy xol yang koy faranal tontu te do am jariñ deglu deug ga bo xol deug ga fum lay jëw ni jariñe lolo am solo dokumala ala jablu doon faral di wax nan bo rombe mandi kat muy mandi waw di wax lo xamanteni bi jarigna waw bu xol ver bu muy nan waye xolal jarign limu lay wax aha mom la ci solo mom la jang ci solo te ben affaire mo wax ko te tamay li moy ñun jeune am nañ safu reuy te li gëna reuy ci safu moy amna ben xalé bo xamné duma tuddu turam amna xalé bo xamné ni mu ngi suñu kanam ni amna ci mom yaakar suma waxon suma jaruma waxtu bi amna ñu xamnañ ci mom wax waye amna ci mom yaakar nañu fexé timbali koku nonu mu yees lu am lu xol ba xam lu encadré ko xol ba xam lan lay def ah fi kay ko fal wat mom dalal xana ken dootu ñu nax mom pour fa ko fi fal wat mom dina la wax xat dina wax xat fi ku bëgg fal wat dina la wax xat di ngi wax lu leer ren affaire bi papa alanya limay wax moy may xamna may ko delo limay wax moy singa ki bi nga combat bi nga jëli waw bu ci bay sa loxo inshallah yalla ñu yalla katanal ra degeural ñu donte nak may ñu katan bi amna ñi wax ak ci non ki mais lolu yepp mu la ci yow xam nga nak kay ma wax la len man gaana gu warasula dotuma febar wax duma yëngu ah yalla ñu yalla katanal amin jerejeuf ma lay teggu depuis 4 ans ma lay teggu degeul yalla yalla katanal jerejeuf allo salam alaykum papa ale wa alaykum salam a ñanga lay sante di la gërem amin lay fay sante wi demi gërem yow timit yalla yalla guddal sa fal amin may waxi ci ce lo ji lay bëgg deugal aha ci ce lo limu wax waaw yalla nako yalla may témeré atap lu tok waaw deug gëné bo ñaanu melni yow su nekk ci Sénégal yalla dina leen jappalé ak tout moment parce que deug rek mo taw ko je vous remercie jërëjëf alors yalla fay allo oui Kaba? Kaba yeng na. Wa ñi ngi sant yalla yow nak? Wa tout d'abord nous c'est un bon rétablissement quoi que vendredi nous allons pas gagner en chat. Ay mom je suis obligé de prendre même des médicaments pour mon fonctionnel. Grand vendredi yalla bu le monsieur bi top inshallah. Non. Non. Papa bo commencé sol bi dama dem ci médecin bi la ko xolal est ce que dama xolal mbadu affaire bobu mu neuma non non non yow don dalay ci bu la yow daga toy ya daga toy wax daga son nak bab ah mais yalla baax la li tokal bi et tout ça wa parce que puis j'étais retourné un peu xam sous la chose sous le soleil là gis nañu reportage gis nañu reportage wa tout à fait vraiment c'est important c'est intéressant wa lolou mo ci am solo quoi mais tay tam bi d'abord man dañuy wax sur on fait le point sur le recul démocratique au Sénégal wa mais lolou la lay wax pap mais est-ce que recul lañu wara wax luñu wara wax parce que mom mo waxone ni la démocratie c'est l'équilibre entre les pouvoirs lolou mu jox wax fi de wa ñu nañ ko mais lé ko dégg xamna né c'est au pluriel légui ana pouvoir yoy pap ana yenen pouvoir yi tay ça c'est vrai que le pouvoir rek mo fi nek pratiquement mais Macky Sall nak amna une capacité extraordinaire bo xamne sax moy de fragiliser tous les pouvoirs même le pouvoir judiciaire oh c'est dommage les partis même de fragiliser le pouvoir judiciaire xam ta yag ya bu xulo politique dañ am ni magistrat lañ dañ dil mais bi pas sax ba jallu national même opposition dañ bëgguñu magistrat mais c'est grave hein? Il a réussi vraiment à d'équilibre. Puisque les députés sont élus sur deux modes de scrutin. Un scrutin... Je me pose pour m'expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous dire, mais yo, régime parlementaire, avec les gars, ils disent, c'est ce que tu veux dire. Je vais vous dire, ce qui est le mode... mode de scrutin. Il y a deux élections législatives. Musul lal mode de scrutin def na fi référendum musul lal mode de scrutin kon bam koy wax est ce que geumon nako ñu deglu dañ wax ci di majoritaire deglu à un tour c'est 90 députés qui sont élus c'est le raw gadou bon vous avez une voix de plus vous prenez tous les députés de Dakar par exemple ils sont 7 vous avez 30 ah. Vous prenez les 7 c'est pas très très démocratique. Ensuite vous avez 60 sur la liste proportionnelle. Mais le choix de ces 60 incombe au chef de parti en général. Donc le député qui est là, il n'est pas choisi par une circonscription, il n'est pas choisi par des électeurs, mais il doit son élection au choix de son parti et simplement par le nombre. Dans de telles conditions, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale va être le centre d'impulsion de la politique. Dakar Matin. Que si je suis élu président de la République, il y aura une transparence, même au niveau des comptes de la présidente de la République, parce que je permettrai à la Cour des comptes d'avoir accès aux comptes de la présidente de la République et de l'Assemblée nationale, parce que la Cour des comptes doit aider toutes ces institutions. Dakar Matin. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Dans le même sens, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai. Allô? Je dis bien. Allô? Oui. Allô? Allô, oui. Ma ngi dégg de señ bi no def papa le ngi ziar ngi delo ziar content nañ ko ci ngi liggé jërëjëf merci beaucoup ci rafaal ñu moy déggul na ci to bi jërëjëf mais papa li ñun dañ lay ndaw nek Sénégal di liggé waaw di liggé yalla sutural ñu ñu gëm yalla lepp ñuy def ñuy xol ñuy def dara la tax ni papa le mille opportunités dañ koy am pour mëna jël Sénégal dem ci bo mëna yëkëti cadeau gi touti nak parce que dafa mel dañ lay dégg faiblement bari ñu dañ am 7 jours allo jël Sénégal mëna liggéey waaw et dañu am suñu ngor suñu suñu rew né dañuy tok rew mi liggé waaw papa le liggéey dëkk bi dama na ñu xamanteni yalla moma ci et fa dañuy décourager tellement ay ndaw lañ ko ñu 30 ñu door ko mais dañuy décourager bo xamanteni li ñuy gis ci réew mi ñu yobé li ñuy yom ñi japp am xaaliss bu yobé daf ñuy jaxal bo xamanteni ku andal ak do ngor ñi di jëm yo xamanteni dañuy jëm ak gëm suñu bop jëm ak gëm yalla ci xol ci yalla ci lu ñuy def dañuy décourager ci réew mi ci dama ko mëna ko di fa jàngé papa maam ko fa xam juste un exemple ci bisan wajjo ci jox nañ ko poste bo xamanteni man bi mu taxawé ma mo moy expliquer yalla moma tim wajji xamul dara ci luñ ko dox dem abadi ko bima ko gisé ko ma gis ko légui ni mu mel ak li mu yor non abadi joy la bëggon def du soxor limay wax lolu moy susciter un sentiment de révolte exact écrire sentiment de révolte nga damay tok di waxtana ño xamanteni moy liguel moy ko ñu ma xam ñoo xamanteni fepp lañu nekk ci atna bi dafaale bu may premier nak Sénégal du xam lu may wax ay joy momay def ci bokku dina sa vidéo yi bu ma koy réel mo ci bëgg mo leen ci ta papa su mo leen ci bëgg di wax sama xol day toy damay bëgg joy parce que lutax parce que man je me sens responsable amu ci la dañu tuddu sama voter nak dal pour la première fois may voter sama tuddu parce que musuma dem politicien papa ñu nekk ci situation bo xamanteni réew mi képp ci déko jëmono joy mais fofu suma lo sama may rek ba préciser xam nga président Macky Sall mi ngeen wax li nga koy dégg cadeau yi mëno ko won juger loolu ci ay cadeau exact xam nga gaay yu bari dañ wax ma na len mëno ko won juger loolu ci ay cadeau comme juger sénégalais juger dañ ci cadeau am yaakar fal ko waye dans la pratique ñu gis safan wa loro mo fi nek e li fi nek xam nga xëc na moko dañ ñuy waxtan ñu naan politique politique moy buñ naan diiw sangam ñu tey di mo le kum ko Macky Sall mo ñu def fi nañ jox sax suñu bobu yalla nañ yalla sax yalla do ñu su dura parce que il a dit man ci bopam man il m'a dit parce que dëkk bi li ñu gisé muy doxé papal li ñu gisé muy doxé képp ku néwon Abdoulaye Wade le 23 juin li amul képp ku néwon sénégalais di ñu juk def lool Abdoulaye Wade doko gëm fa demé waxtan ak nit ñaan no sénégalais du juk sénégal du juk ba li gën na sénégal du gaw juk mais comme ñu jamono ji nit seuss nañ seuss ko xamantani mo ko ko la méral té jall tok ko ko bëss bu juk dalay bét té ñaan ñu ko yalla sénégal am fu ek tok ko déglu mo sa Francis Solo li wax ni ñu ñu important dé bu ñu jugé personne bi man di kat moy jéss man ñen déglu lu muy wax képp kuy wax déglu li muy wax parce que pour gisone man di kat la gis ko ci rom do na rom ko ci mbedd mu la ju modul fele bu boba di nga gëm xamu do gëm de waye yoon do bala na fa sax xata ci xariyo motax nañu delu ci xel papal te Senegal tol na fo xamanteni ah man li may ñaan sax jour moy nañu yalla su tura mais ñi ñi ñi gis ñu na ci model politicien ñi ñi doxale dekk bi sax jour man leen ñi ñi ñi di gis ngay am 20000 francs par mois yalla bima ci momu gëna papalé maam ñi li ñaan parce que ñi képp ku ci dug bo xeyé jàppal ak sa sétu nga xol sa bokku ba papalé do xol sa bokku bitt ci sobo bo di nit dëgg ñi di ñi dund nit ko dundé tek bi dimu mel nit ñi amuñu ndox nit ñi dund ko met ñu ñi di ndox papalé lepp lu ñu fayé ko papalé ñi lañ ko sétu lepp lu ñu fayé ko suñu mbokk lañ koy jox ñi ñoo gëna sori ñepp yalla ñi ñi sutura kan mo ñu ko tek lolu kan mo ñu ko tek c'est pour ça que nak xalé yi ndaw yi fi nek na am suñu li am mëna ñu mëk da ngay gis suñu morom papal dañuy muté dem dañuy muté gëd réew li dafa metti may déglu nak ci temps bi non y a pas de souci xol nga waxé rek jërëjëf personne j'engage fermement dans le sens l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion. Allô? Allô? Oui? Eh bien, bien. Je parlais tout à l'heure qu'il y a une démocratie au Sénégal. Waouh! Mais je ne sais pas si une conclusion que je veux dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont été en pouvoir. Waouh! Mais, paye, que l'on ne peut pas faire. Donc, le grand sens là, yo tay pouvoir yeb mi ngi sa loxo ta keur ñamewu fa genn ndax ben virus ah corona mo graw mom na delo ci xalam ko na delo ci xalam xam nga ñun lan lañ koy ñaan mom limu japp yeb nako bayyi pour lu li ko defé ci pouvoir rek ci ngulum sax sénégalais yi am ben tranquillité bi quoi mu géré tranquillement après mu dem facilement waaye est ce que lamb 3ème ngeen fo scandale ci ko scandale mais il est temps que nak mu arrêté touti mais nit ñi tamit xam nga bokk mi ngi la doon ki am na ko dulé lo xamné dëkk bi fay metti mais na géré liko défé nako géré tek ko dans les principes comme nim ko xamé mom moko gëna xam moko doon wax la République, c'est l'équilibre entre les pouvoirs. Nous ne pouvons rien faire. C'est un cadeau qui est ridicule. Mais nous ne pouvons pas le faire. Non, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Le temps que nous arrêtons, revenir à la raison, nous ne pouvons pas le faire. Tout tard, parce que quand ils savent que Seigneur donne, Abdou Diouf donne, Macky donne, ils savent que ne sera pas éternel. Absolument. Oui, nous gérer le monde, les gars, c'est que gérer pour tranquillement, dem Macky ne m'ont auto. Jerejef. Ah, déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô. Allô. Oui. Salam alaikum. Nous les dégnous. Pas mal de remercier d'abord sur les gars qui vous aident. Dama ñu déglu nak la famille xamna dafa xawa té mom dama xawa jagané ouais effectivement ça so wa gis nañu sa baat bi mo lo tawala complètement changé on se connaît tout à fait donc c'est juste pour témoigner hein, franchement de Kibi c'est très très très difficile tay mën na né waju lu mu doon wax légui rek ci lool lay contribuer lool la bëgg indi ben solution Sénégal dafa metti té ndaw yi instant yi il traverse des moments difficiles leadership mo koy doxal patriotisme et un management participatif moi drôle de absolument du tout même yeureum xalé yi parce que nous en tant que jeunes on symbolise l'avenir de ce pays donc nous du jitu ñoy suñu modèle donc nañ indi yeureumande relation de fraternité entre nous parce que tout ou tard ñom dañuy dem ñun ñoo fi top donc ñom lañu jëm xalat ban Sénégal lañ bëgg bâtir pour suba ça c'est important. C'est très important. Bon Sénégal, il y a un peu de temps. Le bonheur, il y a 80 ans. Qu'est-ce que tu dis? Mais moi, je suis fier que moi, je suis allé faire battre une génération relève pour que je sois là, je suis là, c'est ma vision. C'est important. C'est important. Mais c'est une donne une source d'inspiration. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Le plus important, c'est inspirer les gens. Donc, c'est un modèle d'histoire. Oh, c'est très pertinent ce qu'il dit. Den leader bo xamné xalé bu mag rañu ni man dama bëggum melni Macky Sall président de la république non ma pas président de la république dama bëgg melni Macky Sall c'est important donc me tient particulièrement à cœur à tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion de deniers publics je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Dakar matin. Ngour du ministère ni on arrête de passer ñaar fuk ak juroom. De ngeul wax mu ne du passer ñaar fuk ak juroom. Ñaar fuk ak juroom. Ñaar fuk ak juroom la wax de. Tay deg na mo isa mom xamna sax nombre de ministre. Allô. Allô. Allô papa. Allô. Allô papa. Waaw. Ni lay ziar. Ngay delo ziar. Nakay tey. Sant Yalla. Ah mo jamm bu bari papa. Na. Yalla na Yalla sam top. Amin amin Yalla Yalla nangul. Ak ci ci ngeet yef gis nañ ko. Amin amin Yalla Yalla nangul. Ñun dañu am déception ci journal du Sénégal. Hmm. Et dem nañ ko tol fo xam ni ñi metuñ xol information papa. Bébé nit la ko information. Chaque week-end, moi, c'est qu'on est gêné d'œuf. Avec des femmes, c'est dans ce live, vous m'en coûtez, mais... Peut-être que vous l'avez l'âme, mais... Ah, donc, t'as fait une chronique, ça, c'est les gars, après, moi, je vais vous parler. Comme il y a une façon, finalement, pour moi, je vais vous faire une chronique, qui est scandale, je vais vous faire une chronique, je vais vous faire une chronique, mais tu veux le jouer, tu peux le bi, le tchou ou le BBC, à mon. Mais il y a une agence. Et il y a une chronique. Non, non, non, non, non, non, non, non, Je suis un peu plus de temps. Non, ñun amuñu sens gis nga bénn jour bu ñuy waxtaan mu naan mo yow loy casque xam na la ko pap manou ko est ce que xam nga ñatt lay fay impôt chaque mois c'est ça xam na xamuko manuko est ce que xam nga ñatu lay pay impôt chaque mois mun ma nono manuko yalla bi ñu tim xam nañ limay pay impôt chaque mois ndaw la de dama télé liké yalla suturam mais limay pay impôt chaque mois pa manuko dul nako fay sa salaire brut 100% sama salaire mako tak depuis des années pa près bu fa la jëm c'est grave ha pa xalis bo mom normalement dafa wara dugg ci caisse état bi pap xal bi dugg ci caisse état bi def bi lan lañ ci gis pap ah xana ñi ci fay ay honoraria pa problème ndox problème courant yi et puis j'entends le ministre dire non ma xam nga des fois dama ne ñi arrogance bu ñu yor nak il faut ñu wax ak ñom nga ball moy wax gis nga des fois si je lève le ton gaay c'est à la mesure de la provocation comment on peut nous dire ah bu facture tangé parce que yéne passer passer ndox mais lolu yeb ay waxu kasso kasso la pap lañ wax te deug te yalla tax pap lañ wax te deug te yalla tax deug bi yeb ay waxu kasso kasso la sénégal gis nañ ni mu tollu gis nañ deug yu bari yo xamanteni ay naw lañ leen gis nañ ni ñi avancer pap ñun dañuy kenn gis nañ ni xaw ci aduna bi heure bu kenné pap bëss bo ni ci heure bu kenné ben fan pap da ngay nam sénégal mais yalla mo ma ci pap wu lay tepp sa tank aéroport pap nga genn rek commencé dug ci deug bi pap da ngay def ci deug bi parce que da lay am lu metti parce que sénégal lañ am quoi comme tespir sénégal lañ am mais da ngay am lu metti pap ma limay gëndu metti chaque jour dama ne ko ci duma ci mësi wax mais xam nga la momay metti chaque jour pap hmm est comme dal ñi def nga koy gis ci jour te du mujju fenn mais da ngay na alal lu kan la non te et puis da ngay wax na te du mujju fenn lool moma jaaxal pap sama alal la bu limay cotiser pap image tu vois je me donne exemple ko ñu dag 500,000 par mois pap ñu lo koy dag chaque mois année bi ñantal pap nga ko dugg ci caisse rew pour lan pour ni liggéey ni man nga jël sa nit ko fay pour mu liggéeyal la pap mais ko bu la liggéeyul lu mais dafa la rendre compte et dëkk bi lool mo fi amul mais ban dëkk la nit ñëmé loolu amul amul ben dëkk bu sey bu ñëmé loolu mais fi rek lañ ko ñëmé lu leen neex lañu def alal jo xamanteni nit ñi ñoy xey pap di tan tangé di ñak ñu lañ koy dag ñi cotiser fier ci mais amo sécurité ngeen ci sa kër pap imagine nga dag la plus de 500,000 pap ngeen ci sa kër amo ndox ngeen ci sa koñ amo sécurité ngeen ci sa koñ amo lamp ngeen jaay ci kër bi amo lamp pap loolu lañ ko doon wax te pap na la jox ben anecdote ma ngi jégul pap jël no na sama frère pap ma dem aéroport pap ma jaay ci péage dina pap bima ñëwé ba ci côté péage bi ay 2h du matin am ben pneu bu mo jël ma jël pneu bi yak sama auto pap sama auto immobilisé wu hmm pap bima ñëwé péage ñu sénag dañu ragal sénag nag pap bima ñëwé sénag bima démé ba FH ci goudi gi nonu ba ñëw expliquer leen affaire bi 15,000 ngay fay non pap jour bobu sama bakkan la sék pap ma ñëw expliquer leen situation bi amul lañu wax aha gis nañ ko mais mënu ñu ko won jël man leen ñe yeen est ce que xam ngeen aller retour tek aéroport man ñata la fay wala man limay fay sama xay dama ko liggéeru dama ko ñak pas bu tout may soir fofu après ñu wa après ñu ko liggéen après ñu ko liggéen pap ba tay bu suba ba ma fam bi wowe yi may expliquer na wa na envoyer mail ma envoyer leen mail ma envoyer photo dina la mais xol lu ñu wax aha dañ dañuy dégager les responsabilités da wax legui tontu ni pour nga confirmer parce que mo xol jeex na jour bi xex bo xamanteni mo ni ñoo dëkk bi on est dans quel pays té malheureusement li gëna gëna dëkk bi papa mo wéré pap dëkk bu amul justice pap mo kallu ay mala nek ñoo yam té malheureusement sénégal lu ñuy dund sénat dal mom jaaxal xam nga fu mu leen téy mais for na dé té ñi ngi wut ko seen dëkk ñu xam nañ ko c'est clair ko seen dëkk xam nañ ko D'ailleurs, tu vas bien être fait. Vous voulez miner, tu vas bien. Les chefs d'entreprise, d'ailleurs, le Sénat nous crée beaucoup de problèmes. Mais le problème, c'est que pas de nous. Rwanda, t'as gagné du maquis? Ah non, quand même. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Non, mais franchement, comme l'Union européenne, mon Union européenne, c'est sénégalais. Il y a beaucoup de choses. Fi mo bu yaaka ni nguur du jeex bi la yaay nax sa bokk gis nañ ci ay front gis nañ ci ay front nañ ci dañ fu nekk pap ci clair ku nekk gis nañ ko fi ku yaaka ni nguur du jeex te gis nga alalu baato la cëpp ku koy dundé gis nga pa bo tv de kisso bala nga té boko kisso ngeen ma ngi ci gul ci carte bi non ma xamni merci beaucoup jërëjëf té sant la gërëm bo les gars xamna peut-être que on va terminer avec Macky Sall politicien la borom suma sago kuma jégué ma def le ministre ndax ku na dana bëgg am cërëm dina mo xé waye dama né toujours léw mi lañu jital bala ñu xol suñu parti wala di xol suñu intérêt bop réew mi mo ëpp solo bala ñu wax parti kon réew mi lay jital même fekkene sax sama bir ñu xamné contant nañu mën nañ ma dama xef way du yag ma la loolu ay ki la rek ndax xam nañu né ñepp mënu ñu xé rek nek ministre kon dañu xol li jaaru li am solo li mëna nek ñu def mané kon ñaar fukki ministère ak djoom fi la ko yebale néna ñaar fukki ministère ak djoom war na doy pour doxal gouvernement du Sénégal Dakar matin on peut pas continuer à faire la transhumance telle que se pratique aujourd'hui parce que il faut mettre de l'éthique dans tout ça il faut que les gens reviennent aux valeurs il faut qu'on revienne aux valeurs c'est extrêmement important parce que nous ne pourrons pas changer positivement notre pays si nous restons dans le boule falé là le masla qui veut rien dire chacun peut faire ce qu'il veut mais après on légui malen la est comme ñaar bu billahi waji bu deuguer bopul mais ta xamul na duma ko jé wax nañ la so bëggé participer fi ngay jaar kon nak gaay il faut ni duñ baye deuguer bop bi ma ngi jéggelu di len jox de inshallah aljuma d'accord ñu ñew rek waxtanat ak ci rew mi kon dina sant dina gëm dina ma solo gis ngeen tay dama xawa jagadi mais yalla baxna ñaanal leen ma rek ñu nekk ci mbir yi gëna taxaw kon jaajeuf gaay la fi ma ngi leen sant leen gëm bu baax Bayle malet bi malet amadou bi